Nuggy, tu déchires, toute l'équipe te félicite, merci, mais je crois bien que je vais sauter dans un taxi. Madame veut partir, je ne peux plus la retenir. Le petit qui me demande est-ce que tu vas revenir. Nuggy, tu déchires, toute l'équipe te félicite, merci, mais je crois bien que je vais sauter dans un taxi. Madame veut partir, je ne peux plus la retenir. Le petit qui me demande est-ce que tu vas revenir. Parce que je fais le grand écart, showbiz, papa star, Las Vegas, pèlerinage, la vie et son devis, voilà de quoi il s'agit. Au fond de moi ça s'agite, il est temps de ça s'agir. Parents séparés, chez pour beaucoup c'est pareil. Paris, c'est paro, invisible sans les barreaux. 10 ans de looping, mon cœur a dû s'endurcir. Ma foi a pris un coup, mes principes se sont adoucis. Toute l'équipe te félicite, merci, mais je crois bien que je vais sauter dans un taxi. Madame veut partir, je ne peux plus la retenir. Le petit qui me demande est-ce que tu vas revenir. Nuggy, tu déchires, toute l'équipe te félicite, merci, mais je crois bien que je vais sauter dans un taxi. Madame veut partir, je ne peux plus la retenir. Le petit qui me demande est-ce que tu vas revenir. Si ma vie était un film, malgré mes victoires, mon parcours est indécis. Mes joies et mes peines, des blessures indélébiles. Lève-toi, réveille-toi, c'est ce que la daronne a dit. La médaille est son repère, je sais pas si je le referai. Mais je me sens moins seul depuis qu'il y a le petit refait. J'ai vu dans vos yeux une partie de ce que j'étais. J'ai vu dans vos yeux le résultat de ce que j'ai fait. Je vais encore tout plaquer, franchement vous me rendez fou. Je veux plus mentir aux filles, leur dire baba, rendez-vous. Toute l'équipe te félicite, merci, mais je crois bien que je vais sauter dans un taxi. Madame veut partir, je ne peux plus la retenir. Le petit qui me demande est-ce que tu vas revenir. Nuggy, tu